la parole devient chair, ainsi il parla à travers sa chair. Si différent du temps de Moïse dans l'Ancien Testament, où Dieu parlait directement du ciel. Voici le sens suprême de son incarnation. Le travail de l'esprit est accompli par la chair et les mots. Voici le vrai sens de la parole devient chair et de la parole apparaît dans la chair. Toutes ces paroles seront ensuite réalisées durant l'âge du royaume. Sens de la parole devient chair et de la parole apparaît dans la chair.